tant que le propriétaire original graine sa demeure. Depuis tout le temps, il y a un locataire qui a occupé la maison. Mais c'est le temps que le propriétaire originel. Parce qu'en aucun cas qu'un homme puisse construire une maison et qu'il ne l'habite pas. Dieu nous a construit pour sa gloire. Alléluia. Mon Dieu habite une maison à trois pièces. Depuis mon père, dans les déserts, il avait dit, ô prophète Moïse, tu construiras ma maison selon un modèle. Tu verras au ciel ainsi je dis mon Dieu habite une maison à trois pièces. On arrive à Salomon, Salomon. Dieu décida et dit au grand sage du parvis, au lieu saint, au lieu très saint, le lieu de sa demeure. Mais le temps est venu, le propriétaire original prenne sa demeure. Mon Dieu habite, habite une maison à trois pièces. Le Fils de Dieu, dis aux Juifs, détruise-moi ce temple et seulement en trois jours, moi le grand maçon, je reconstruirai ma demeure. Thank you. propriétaire prenne ça demain. Chers prédicateurs, allez-y, prenez la maison de Dieu et redonne-lui sa demeure. Faites comme Jésus avait dit à ses disciples, prenez-moi cette âme. Et si quelqu'un vous pose la question, vous lui dites que son maître en a besoin. Alléluia. Et toi Satan, nous te chassons sans préavis. Quitte la demeure de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Une maison à toi, pièce.